Alors, bonjour, bienvenue. J'ai un micro à la main, c'est pour la radio du festival, Radio Zine. Ce n'est pas du tout pour que vous m'entendiez mieux ici même. Voilà, qu'on se le dise, parce que ça fait bizarre de me voir avec un micro. Donc, bienvenue à ce partage d'écoute en compagnie de Lise Barkas. Nous sommes là, donc, dans l'acousmonium du festival Archipel, qui est un instrument composé de beaucoup d'haut-parleurs et conçu et installé par l'association LAMEG. Association pour la musique électroacoustique Genève, avec Antoine Ciron, avec nous aujourd'hui. Voilà, petite introduction sur cet objet. À savoir que les partages d'écoute, c'est un moment où un artiste, une artiste invitée, parfois des personnes extérieures, mais la plupart du temps, une personne du festival, programmée au festival, bah, partage ses écoutes. Donc, pas sa musique, mais des objets musicaux ou autres qui constituent leur histoire personnelle de vie et d'écoute. Mais sinon, et donc il n'y a pas un travail de spatialisation spécialement hein, avec les haut-parleurs. Par contre, on est quand même vraiment bien ici pour faire ça, bien installé et avec et bien englobé des sons, quelles que soient leurs sources et leurs qualités. Là. Je vais laisser la parole à Lise. Donc, Lise Barkas est donc une artiste invitée qui va jouer ce soir même de la cornemuse et de la vielle à roue et qui a une approche très voilà, personnelle de ces instruments. Mais je ne vais pas en trop en parler plus loin. Pourquoi on a pensé à Lise parmi les dizaines d'invités du festival? Ben, je dirais que ce qui m'a motivée en particulier, c'est que je la croise quand je vais moi-même à des festivals pour programmer les concerts, enfin pour découvrir des choses. Lise, elle est souvent là, même quand elle n'est pas programmée. Ben, je peux vous dire, c'est pas si souvent. Donc ça veut dire, ça c'est un signe que c'est quelqu'un qui aime la musique, qui continue à écouter de la musique et qui s'intéresse à la musique, vraiment, pas seulement pour elle-même et sa propre musique. Voilà. Merci Lise, bienvenue. Merci beaucoup Marie. Alors pour le coup, je vais plutôt vous faire écouter des vieilles choses que des choses que j'ai entendues récemment dans des concerts. Et alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes à entendre de la vielle à roue de bon matin, de bon midi, parce que c'est par ça qu'on va commencer. Il faut aller cueillir le médecin de nos. va vite, vite, et ne sois pas longtemps, fais le voyage promptement. Quand ils sont retournés, la belle était mourante, elle a tiré sa blanche main du lit pour dire adieu à son ami. Galant, si tu voulais, tu brûlerais ta cierge et tu passerais la nuit auprès de moi. Mon petit cœur n'aimait que toi. Achevant de parler, la belle tombe morte, que l'on m'apporte mes habits de drap noir, puisque le deuil me faut porter. La belle s'en va au jardin des amours, c'est pour y passer la semaine. Son père qui la cherche partout, et son amant en est en peine. Y a un berger là-bas dans la prairie, s'il l'a vu, qu'il nous l'enseigne. Berger, berger, mon doux berger, l'avez-vous pas vu la beauté même? De quelle couleur était-elle habillée? Est-elle en soie ou bien en laine? Elle a un jupon blanc satiné, une jolie robe couleur de rose. Elle est là-bas, au jardin des amours, assise sur le bord d'une fontaine. Elle tient un petit oiseau dans sa main, à qui la belle raconte toutes ses peines. Mon petit oiseau, tu es donc bien heureux, d'être entre les mains de ma maîtresse. Moi, je suis bien son amoureux et je ne peux pas m'approcher d'elle. Faut-il être aussi près du rosier sans pouvoir même cueillir la rose? Cueillez, cueillez, chèrement cueillez, c'en est pour vous que la rose est belle. Faut-il être aussi près du ruisseau pour endurer la soif que j'endure? Buvez, buvez, chèrement buvez, c'en est pour vous que le ruisseau coule. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter ces deux morceaux en particulier ? Parce que c'est les premiers morceaux que j'ai entendus dans mon enfance de musique dite traditionnelle. Donc un peu ma première approche de ce répertoire-là. Le premier, c'était Christian Gourand qui joue de la vie à la roue et qui chante un chant québécois dans ce qu'on appelait le folk club Le Bourdon, qui était à Paris dans les années 70. Donc c'était des personnes qui s'échangeaient ce qu'on appelle des collectages, qui allaient chercher, qui allaient enregistrer des vieux à la campagne pour récupérer des chants traditionnels à cette époque-là et qui les partageaient dans cet endroit-là. Et le deuxième, c'est justement un de ces collectages qui s'appelle La Belle s'en va au Jardin des Amours par, j'ai oublié son nom, André Dufaux, collecté dans le Berry par les personnes du Bourdon. Et c'était sur une cassette de mon père où il avait mis beaucoup de choses différentes, qui s'appelait Peau pourrie. J'étais enfant, ça m'a fait rigoler d'écouter ça, parce que ça s'appelait Peau pourrie. Et dedans, il y avait ces deux morceaux-là, qui, tous les deux, m'ont amené quand même un imaginaire un peu particulier. La première, en fait, j'avais déjà vu quelqu'un qui jouait de la vielle à roue, dans la rue à Strasbourg, et c'était un Irlandais qui était debout sur un tonneau, avec des sabots, et il avait une plume à son chapeau. Et du coup, quand j'écoutais ce morceau-là, je me figurais que tous les gens qui jouaient de la vielle à roue, ils étaient sur un tonneau avec des sabots et ils avaient une plume au chapeau. Donc je le voyais exactement comme ça, alors que pas du tout, évidemment. Mais c'était mon image des personnes qui jouent de la vie à la roue. Et le deuxième, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. C'était assez intriguant. C'était une voix d'une vieille femme qui chantait quelque chose d'un peu mystérieux. Il y a beaucoup de métaphores. Alors, on comprend un peu sans comprendre quand on est enfant. Dans ma tête d'enfant, c'était un peu comme un conte, comme si on me racontait une histoire que je ne comprenais pas tout à fait. Et j'avais demandé à mon père ce que c'était, il m'a juste expliqué, c'est une très vieille dame, sans vraiment m'expliquer l'histoire de ces musiques-là. Et j'ai découvert plus tard, en redécouvrant la vielle à roue, et du coup le milieu des musiques traditionnelles, que c'était un peu des tubes dans le milieu. C'est des morceaux très connus parce qu'ils ont été édités dans les années 70, un peu au début de ce qu'on appelle le revival. Et donc je les ai redécouverts, mais comme c'était des morceaux de mon enfance, ça me faisait quelque chose de particulier, ça me faisait réémerger ces images-là. Et du coup, tout ce truc de chansons qui sont un peu des contes, et cette première approche-là, et ça a un peu influencé ma manière de percevoir la musique dans ces milieux-là, où il y a beaucoup de chansons comme ça, notamment la première, c'est un peu dramatique, il y a beaucoup d'histoires comme ça, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, qui sont dans les deux chansons, l'amante qui va mourir. Comme quand j'étais enfant, c'était quelque chose de triste. C'était comme regarder un film triste, quoi. Et voilà. Alors ensuite, je vais vous laisser avec une longue plage de vielles hongroises, parce que ça, c'est l'autre endroit, à part en France, où j'ai beaucoup écouté des vielles, enfin, dont j'ai beaucoup écouté les vielles, c'est les vielles hongroises. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. En solo domines, maradt a fekete kéje. Csütörtökön este csak azt vettem észre, de csak azt vettem észre. Hely a szegedi rét aljában, vasra vagyok elve. Hely a szegedi rét aljában, meg is vagyok elve. Arra jön angyaló, sírat engem nagyon, de sírat engem nagyon. Ej, ne sírass, angyalom, fáj a szívem nagyon. Ej, ne sírass, angyalom, fáj a szívem la fin. C'était pas tout à fait de la vielle, c'était un groupe qui s'appelle Coil, plutôt actif dans les années 90-2000, mais que j'ai mis là aussi parce que je vois un peu des liens avec ce qui se passe avant, en termes de son. En tout cas, c'est les mêmes aspérités qui me plaisaient dans la musique de vielle du début, des vielles hongroises et des autres vielles, que dans cette musique-là. Et il se trouve que c'est aussi avec Coil que j'ai redécouvert la vielle à roue. Là, il n'y en avait pas dans ce morceau-là. Mais dans un des albums, il y a tout un passage de vielle et je me demandais c'est quoi cet instrument au milieu des synthés et des samples. Il se trouve que c'était de la vielle à roue. Donc, je me suis renseignée sur cet instrument et que je suis retombée plus tard sur les collectages que je vous ai fait écouter. Les collectages et les enregistrements. Et avant ça, alors il y avait des groupes qui ont enregistré des disques dans les années 90 de musique traditionnelle hongroise. Puis le même thème, le même morceau, par un musicien américain qui s'appelle Alastrana, dont le titre d'un projet est Alastrana. Et c'était un peu pour faire, comment dire, amener un peu la question de la reprise. Là, littéralement, il a récupéré un enregistrement de ce groupe hongrois pour le mettre dans son morceau. Donc, il est un peu pitché, il a rajouté des bruits autour, des enregistrements. Il fait des enregistrements dans un peu. Il s'intéresse à la musique traditionnelle d'Europe en général. Il a beaucoup enregistré en Europe centrale, Europe de l'Est. Donc là, j'imagine qu'il a soit réenregistré des musiciens qui rejouaient ce thème aussi par-dessus, ou que lui-même peut-être s'est enregistré pour refaire carrément une pièce avec cet air traditionnel. Et c'est dans ce milieu-là, c'est une question qui se pose beaucoup. Souvent, c'est pas nos morceaux, c'est des choses qui nous viennent, qu'on a écoutées. Alors moi, il se trouve que c'était enregistré, et d'autres personnes, c'est des choses qu'on leur a transmises directement ou qu'elles ont entendues dans une fête, dans n'importe quel événement. Et il y a plusieurs manières d'arriver à ces musiques et du coup de se les approprier. Donc lui, c'est littéralement en faisant du collage avec, même s'il a aussi joué. Et il y a d'autres manières qui sont juste de faire ses propres versions des mêmes mélodies. Et aussi, il y a beaucoup de versions des mélodies qui existent. On se fait aussi un peu sa propre version en changeant des choses ou en s'inspirant plus d'une version que d'une autre. Et donc, je vais vous faire écouter, par exemple, un autre exemple de ce genre de procédé. En écoutant d'abord un collectage de Antonin Chabrier, un violoneux du Cantal. Puis, la version qu'en ont fait un groupe qui ont enregistré en 2021, un disque. Donc le groupe s'appelle Gueule avec Louis-Jacques qui est aussi dans La Tène et Super Parquet et Simon Guy. Donc version collectage années 70 versus 2021. Thank you. C'était dans le sens inverse, ce qui est pas plus mal en fait, en l'écoutant. Parce qu'on a vraiment pu entendre le morceau qui est à la fin, dans le premier, dans la reprise, qui est ensuite dans le collectage. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un peu la notion de justesse. Souvent, c'est des enregistrements avec des personnes qui sont un peu âgées, qui parfois ont un peu du mal à utiliser leur instrument. Et à la fois, il y a quand même des notes qui semblent particulières, mais qui sont un peu toujours les mêmes. Donc on peut supposer que c'est intentionnel, des fois, ce truc de justesse, et puis si on le reprend de cette manière-là et que ça nous touche de cette manière-là, c'est que ça peut être intentionnel, ça peut être quelque chose d'intéressant en soi. Marie Et des fois, c'est juste, on entend... là, il se trouvait qu'il jouait plusieurs mélodies, parce que j'imagine qu'il se rappelle au fur et à mesure un peu de mélodies qu'il devait jouer, il les alterne un peu. C'est ce qu'il devait faire, j'imagine, dans les balles, par exemple. Et ils en ont repris une de celles qu'on entend dans le collectage. Et des fois, c'est un peu ça, en tout cas, ce qui m'arrive à moi et que je sais qu'il arrive à d'autres personnes. C'est que dans une série d'enregistrements, il y en a un qui nous accroche. On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est... Il se passe quelque chose en termes de son, de mélodie, des fois d'histoire. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de parole, mais des fois, c'est le cas. Et c'est celle-là qu'on a envie de raconter à notre manière. Et du coup, ce que... Alors voilà. Je vais te faire passer la celle d'après. D'accord. Finalement. Alors attends. Malentré de l'ami permanent, tout le long de nos plaines, on l'a indiqué y a rencontré, venant bientôt verger. Malédicien risant, l'en vélant les venements. Si vous m'aimez si tendrement, passez-moi quelques serments. Malveille, si vous m'aimez, parlons du voyage. La satura nous rentrera, la vétura nous sortira. Quand nous irons le bois passé, tu sauras ma volonté. Quand le vélo est sorti dans le bois, l'os-y m'est arrivé. Mais le beau galant disait qu'était fait en rire. Rise de vos sont amoureux, nous n'irons plus au bois qui doux. Taille un ami à ton côté, tu n'y allais demander. Mais le vélo, si vous m'aimez, tournant dans le voyage, dans le voyage n'y tourne plus, tant aimé s'il n'y a aucun abus. Allez, paysans, sont amoureux, nous les rompus au boîte doux. Votre gueule souque par l'amour, malheureux. Votre gueule souque par l'amour, que caresse à la fille. Mais la caresse est pas tant qu'elle a son trop fine. Pendant la pince blonde, pendant les guéris, mais la gueule s'est pas tant sans son bel sentiment. Cette jolie campagne ne durerait qu'un an. La campagne était longue, elle a duré 7 ans. La campagne était longue, elle a duré 7 ans. Et sa jolie maîtresse qui pleure en attendant. Et sa jolie maîtresse qui pleure en attendant. Au bout des 7 années, le galant est revenu. Au bout des 7 années, le galant est revenu. À la porte, à la belle, 3 petits coups frappés. À la porte, à la belle, 3 petits coups frappés. Qui donc est à ma porte? À ma porte à frapper. Qui donc est à ma porte? À ma porte à frapper. C'est un gentil gendarme qui demande à loger. C'est un gentil gendarme qui demande à loger. Allez plus loin, gendarme, nous ne saurions vous loger. Allez plus loin, gendarme, nous ne saurions vous loger. Nous avons les gens des noces et nous sommes embarrassés. Nous avons les gens des noces et nous sommes embarrassés. Hélas, son jeune frère, le regarde en pitié. Hélas, son jeune frère, le regarde en pitié. Rentrez, rentrez, gendarme, allez vous y placer. Avec les gens des noces, ce soir vous souperez. Avec les gens des noces, ce soir vous souperez. Quand ils furent à table pouviez souper. Quand ils y furent à table pouvait souper. Que l'on m'apporte des cartes pour y jouer. Cora la mariée, ce soir à son côté. Cora la mariée, ce soir à son côté. Tout bas, gendarme, ne vous emporte pas. Tout bas, gendarme, ne vous emporte pas. Notre jeune épousée ne vous appartient pas. Notre jeune épousée ne vous appartient pas. Où sont-elles belles les bagues et les diamants? Où sont-elles belles les bagues et les diamants? Que je t'avais payé la belle il y a aujourd'hui 7 ans. Que je t'avais payé la belle il y a aujourd'hui 7 ans. Elles sont dans ma chambre, sous la clé renfermée. Elles sont dans ma chambre, sous la clé renfermée. Prêtez-moi votre main blanche, nous irons les chercher. Prêtez-moi votre main blanche, nous irons les chercher. Et là, son second mari lui demande un doux baiser. Et là, son second mari lui demande un doux baiser. Oh, des doux baisers, dit-elle, j'en donnerai bien un sang d'avoir été fidèle à mon premier amant. Sainte Vierge Marie, faites-moi donc mourir. Sainte Vierge Marie, faites-moi donc mourir. Hier au soir, j'étais veuve, mais voilà de Marie. Hier au soir j'étais veuve, mais voilà de Marie. Donc ça, c'est un exemple d'un collectage dont je vais m'inspirer pour jouer ce soir, si jamais vous êtes là. Peut-être que vous le reconnaîtrez. C'était un exemple aussi, dire voilà quelque chose que j'écoute à un moment qui me procure quelque chose et que j'ai envie de jouer moi-même pour quelconque raison. Peut-être un peu l'histoire que ça raconte, un peu la voix de la personne, le mode, la mélodie. Et on va peut-être zapper le truc. Du coup, on va finir. Si ça doit, je vais mettre le dernier lyric. Exactement, tout à fait. Et ça, par contre, c'est un exemple de... Comment dire, c'est un truc un peu unique. C'était sorti dans les années 70, mais ça a été réédité en 2023 ou 22. Et c'était un peu une sorte de rencontre entre des personnes qui chantaient des chants de troubadours et des électroacousticiens. Donc encore une manière d'utiliser le répertoire traditionnel. Lugaik temps de pascour, que fai foglias e flurs venir, e plats mi, cantatch la bandour des ausens, que fan retentir l'us chant per l'us chargi. E plats mi, can vei per l'us prats, tendas e pavaius fermats, et ai grand allegratge, can vei per champagne arrengats, chavaliers e chavals armats. E plats mi, quand li cul redur, fan las gens e laver fugir. E plats mi, quand vei apres lur, grandren d'armats en sens venir. E plats mi amun curatge, quand vei fort chastels assegiats, el baris ruts et esfondrats, e vei l'ost el ribatge, que stutentur claus de fusats, ablissas e fort pals serrats. Et à tres simples de Seigneur, quand des premiers à l'invasir, en chaval armats, ceste mour, qu'aï si faille nous siéus en ardir, à valen vasselage. Et poi que les tours es mesclats, chascus de ouest sera ses mats, en segre le dagradage. Que nuls hommes nous ne représats, troca main colps pres et durats. Massas e brams, elms de clur, escuts tranchar e desgarnir, veirem a l'entrar de l'estur, e mans vassals en sens ferir, puntan a la narratge, chaval des morts e des nafrats. E canter en estur entrats, chascus hom de parage, nu pens mas das la chaps e brats, que mais val morts que vius subrats. Che tanto ha sapore, mangiar, ni bere, ni dormire, come cantaus gridar, allur, damma la spaz, e taus genir, chavals vols per durarce, e taus gridar, aidats, aidats, e vei chaser per us fustats, aus e grans per l'erbace, e vei us vols che per spustats, a us trusus, a us sendats. Baru, mettez en garce, Chastels e villas e cintats, e non più scherzo lo suo pesante. Merci beaucoup, Lise Barkas. On te retrouve ce soir à, je ne sais pas exactement à quelle heure, parce qu'on va commencer par le... C'est un concert en deux parties à 19h. On commence par L'Engoulevent, un projet de Clément Vecchietto, qui est une lutherie fait maison, qui fait sonner des appos, qui est une sorte de paysage sonore très riche et très poétique. Suivi avec un... Bon, je vais pas trop en dire, mais suivi, une petite pause. On ne sait pas encore exactement comment sera organisée la soirée, mais ensuite le solo de Lise un petit peu plus tard dans la foulée. Merci et bonne suite de festival à toutes et à tous.